imagine l'alliance comme un premier torrent, sinueux mais cavale à l'allure d'un cheval. Il dessine une danse et virevolte en chantant, filant sous les étoiles, une femme dévale. La solitude se brise en mille éclats de verre, son caillou trop lourd, le noir le rendre sourd. Il pourrait dès lors former un pont de pierre qui joindrait la rive de cet amour. À la maison du bonheur.